Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va ? Très bien. À tout à l'heure. On va déjeuner ? Oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café ? Non, désolée. Je ne peux pas, je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion.